Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. De la justice, suite 2. Partie potentielle de la justice ou vertus qui lui sont unies, la piété filiale, etc. Explication. Après la religion, dont nous avons parlé, nous devons examiner les autres vertus unies à la justice, la piété filiale, le respect, avec ses différentes parties, la reconnaissance, la vengeance, la vérité, et les vices opposés, le mensonge, l'hypocrisie, la jactance, la fabilité et les vices opposés, la libéralité, et les vices opposés, l'épiquie. Nous terminerons par le don de piété, qui correspond à la justice, et par les préceptes de la justice, dernière question de ce traité. Question 101, de la piété filiale. Objet de la piété filiale, devoir qu'elle prescrit, elle est une vertu, les devoirs de la piété en conflit avec ceux de la religion. 1. La piété filiale concerne-t-elle des personnes déterminées? Cicéron définissait la piété, une vertu par laquelle nous rendons le service et le culte à nos parents et aux amis de notre patrie. Dieu, premier principe de notre être, infiniment parfait en lui-même, réclame suréminemment les devoirs de la religion, à raison de son excellence et de ses bienfaits. Après lui, se présentent les principes secondaires de notre existence et de notre direction, nos parents et notre patrie, nos parents, qui nous ont donné la vie, notre patrie, qui a protégé notre existence et notre éducation. C'est pourquoi, de même que la religion rend à Dieu le culte souverain, la piété filiale rend aux parents et à la patrie un culte secondaire. Note. Le culte de Dieu renferme, comme ayant une étendue plus universelle, le culte des parents. Aussi est-il écrit, et c'est Dieu qui parle, si je suis père, où sont mes honneurs? Malachi 1, 6. Voilà pourquoi le mot piété s'emploie aussi pour désigner le culte de la divinité. Fin de la note. 2. La piété filiale nous prescrit-elle de soutenir nos parents? La piété filiale nous prescrit de devoir à l'égard de nos parents, l'un, de les honorer, l'autre, de les assister. Le fils doit à son père révérence et soumission, comme au principe de son existence et à son supérieur, ce devoir est commandé par la dignité paternelle. L'assistance est accidentellement due aux parents. Votre père est-il malade? Vous devez le visiter et lui procurer des secours. Est-il dans l'indigence? Vous devez pourvoir à ses besoins. Voilà pourquoi Cicéron disait, la piété filiale rend le service et le culte. Le service désigne l'assistance, et le culte, l'honneur et la révérence. 3. La piété filiale est-elle une vertu spéciale? La piété filiale est une vertu spéciale, distincte de toute autre, car elle a un objet particulier, qui est de rendre le service et le culte aux parents et à la patrie. Note. Parce que Dieu est suréminemment notre Père, on appelle parfois piété la religion qui lui rend le culte souverain. Fin de la note. 4. Doit-on omettre les devoirs de la piété filiale pour ceux de la religion? Toute vertu qui dépasse la limite qui lui est assignée, cesse d'être une vertu et devient un vice. La piété filiale a une mesure pour le service et le culte qu'elle rend aux parents. Cette mesure ne permet pas que l'homme honore les auteurs de ses jours plus que Dieu. Les devoirs de la religion, dit très bien saint Ambroise, passent avant ceux de la piété filiale. Si donc le culte des parents nous détourne du culte de Dieu, la piété filiale doit s'effacer plutôt que d'offenser la paternité suprême. C'était sur ce fondement que saint Jérôme écrivait à un jeune homme, « Passez sur votre mère les yeux secs pour arriver à la croix, le sublime de la piété filiale, ici, c'est d'être cruel. » Mais, du moment que le culte des parents ne nous éloigne pas du service de Dieu, les devoirs de la piété filiale subsistent. Note. Par ces paroles, si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père, sa mère, sa femme, ses fils, ses frères, ses sœurs et sa vie même, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Le Seigneur a voulu désigner les parents qui portent leurs enfants au mal en les détournant du culte de Dieu. Lorsque ceux qui ne commandent rien de contraire à Dieu ne peuvent se passer d'un enfant, celui-ci ne doit point les quitter pour entrer en religion, les abandonner uniquement à la Providence. Ce serait violer le précepte qui nous ordonne d'honorer les auteurs de nos jours, et même tenter Dieu. L'homme qui a fait profession de la vie religieuse est mort au monde, il ne doit point sortir du cloître pour assister les siens. Il peut seulement prier ses supérieurs d'alléger leur sort. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.